athlètes au pied des reins. Les cosmistes sont partis. Son orgue font la proie. En bémol et dièse si. Opération musicale. Intelligence avec l'ami. Ce jour indigne et spécial. Déséquilibre l'ennemi. Pour selfie, elle pas présente. Prends ce que tu donnes à l'heure, mais rends-lui ce que tu prends. Je me souvenais déjà de ce qui nous adviendra. Ta force, ma faiblesse va. Faiblesse ma force là. Qu'un crime, qu'un assassinat.